la micaouette me fait la tête. Cacahuète, la petite Noé veut plus me parler. Canoë, la micao, ma micao. Cacao, la petite Ramel m'est infidèle. Me mine le moral. Caliban, mamselle, le son long me traite de con. Bonjour, nous sommes la radio Guémouzo. On est les ados. Le 03 29, 62, 40, 40. Merci Nicolas. Donc tu viens de donner le téléphone. Nous sommes bien sur le 107.fr. Et il est 10h03. Tout le monde va bien ? Oui. Oui. Oui, alors nous avons une invitée aujourd'hui qui est... Elena. Voilà. Bonjour tout le monde. Bien, bonjour à Elena. Merci d'être là. Alors, écoutez, la dernière fois, il y avait une chanson mystère. Et c'était... Voilà, amnésie générale, même pour moi d'ailleurs. Voilà, je sais pas, moi, j'étais pas là. C'était Sandrine, c'était... Sandrine, c'était Indochine. Partenaire particulier. Voilà. Particulier. Donc aujourd'hui, il y en a une nouvelle, choisie par Elena. Non. Donc, écoutez bien cette chanson, elle est très douce. Oui. C'est pas celle-là, hein. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène. La plage, en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme, mais quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Femme, mais quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. superbe chanson choisie par Elena. Donc, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu de quoi ça parle. De l'amour. Christopher, déjà. Oui. Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Christopher ? Ennuyeux. C'était ennuyeux. Oui. J'ai failli monter mes trucs à 16, là. Alors, Christopher, est-ce que tu veux dire que l'amour est ennuyeux ? Non ! Ah, c'est la musique ennuyeuse. C'est quoi ? La musique. La musique. J'ai failli faire une petite sieste, là. Et les autres, alors est-ce que vous pouvez dire de quoi parle de l'amour, je crois. De l'amour. L'amour, je t'aime, tout ça. Vas-y, Steven. Ça parle d'amoureux aussi. Oui. Donc c'est une femme qui chante, oui. D'accord. Elle aimerait bien prendre la place de l'homme en lui disant tout ce que elle voudrait qu'un homme lui dise. Je t'appellerai tous les jours, je t'appellerai mon amour. Elle aimerait bien prendre cette place et pouvoir déclarer son amour. Parce qu'avant, c'était souvent les hommes qui déclaraient l'amour. Là, c'est la femme, elle a envie de prendre sa place et de dire « je t'aime ». Voilà, c'est un peu ça, quoi. Après, Christopher fait les gros yeux, il est stupéfait. Ça va aller, Christopher ? Non ! Ouais, ouais. Voilà. Zinedine, s'il te plaît. Zinedine. Oh là là. Oui, alors, vous avez quand même beaucoup de questions pour Elena. Ah oui. Mm-hmm. Oh, j'ai que ça, moi. J'ai peur. Alors, on va commencer. Tiens, Christopher. Oh. Et tu as Marion et Christopher avec toi pour t'aider. À deux, Christopher. Oui, il y a deux Christopher. Oui, vous êtes deux. Oui. Oh. Vas-y, Christopher. Alors, Christopher, je t'écoute. Là, t'es tes enfants. Alors, j'ai un fils, il me semble. J'ai un fils qui a 33 ans. Oh. Un garçon, donc. C'est jeune. Pourquoi vous faites ? C'est pas vieux, c'est jeune en plus. Non, il est tout jeune. Enfin, jeune, c'est un beau jeune homme, ouais. Tu sais, passer ouais. 25 ans, on est vieux avec lui. Hein, tu sais, hein, c'est pas moi ça. Je peux dire ou pas ? Oui, vas-y. Ta date de naissance. Juliana, il faut que tu approches ton micro parce qu'on ne t'entendra pas. Ta date de naissance. Alors Juliana, moi je suis née au mois de décembre, le 14 décembre, et d'un autre siècle, hein, bien sûr. Je ne suis pas du 21e siècle. Je suis née en 1966. Oh, c'est très loin tout ça. Très loin, c'est un autre siècle. 20e siècle. Oui, écoutez, non, attends. Ça fait loin, hein. Avec télé, t'avais avant. Ben, je crois que c'était au temps de la préhistoire, c'est presque. Elle n'a même pas le temps de répondre que vous êtes déjà comme ça. Attendez, écoutez ce qu'elle vous dit. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Le 14 décembre. Le 14 décembre. Quand ? Quelle année ? Est-ce que c'est les années 2000 ? Non. C'est de bien avant. 2004, c'est bien, ça te rassure. 2004, ouais, ça va. Ah non, alors c'est 1966. Oh, c'est pas année érotique, hein. C'était 69. Moi, c'est 66. Pour les Allez, attends, on fait une resserre. Et tu maries. Alors. As-tu un mari, Vivien ? Alors, je ne me suis jamais mariée, donc j'ai pas de mari. Voilà, non, j'ai pas de mari. Je me suis jamais mariée. Une autre question ? C'est grave ? C'est 23 ans. Est-ce que c'est grave ? Non. On peut avoir beaucoup d'amoureux sans être marié. Alors voilà, on peut avoir des amoureux, effectivement, tu ne m'as pas posé la question, mais on peut avoir des amoureux et ne pas passer à l'église ou à la mairie. Voilà. Hein, l'amour, ça n'implique pas le mariage. Forcément, on peut être amoureux sans passer à la mairie. Voilà. Comme vous êtes amoureux souvent, non ? Non, ça ne vous arrive pas d'être amoureux ? Si, je l'aime. Donc, est-ce que vous êtes passé à la mairie pour être amoureux ? Non. Est-ce que vous êtes passé à l'église pour être amoureux ? Non, voilà. Donc, on peut être amoureux sans se marier. Voilà. Non. Non, Zinedine, c'est pas possible. Personne ? Non. C'est bon ? C'est la question. Ça va, la réponse ? Oui. Vas-y, Camille. Fais-tu de la danse ? Alors, je danse beaucoup quand je vais en discothèque, hein, même si je suis du 20e siècle. Oui, je danse, j'aime danser, mais je fais pas partie d'un club, non. Mais j'aime aller danser, oui, en soirée, entre amis, dans des raid parties. Raid parties. Alors là, ça craint. Là. Bon, allez, vas-y. As-tu un vélo ? Alors, j'ai eu un vélo d'appartement à l'époque, quand je voulais perdre un petit peu de poids, donc je pédalais pendant des heures et des heures, hein, pour maigrir un petit peu, mais ça marchait pas trop, donc ce vélo d'appartement, je l'ai vendu. Puis avec, je suis partie m'acheter des gâteaux. Donc, je sais pas. Alors, je fais du vélo, ça m'arrive de faire du vélo de temps en temps, mais du vélo électrique, voilà. Quand je vais à Bouzet, je loue un petit vélo électrique et on va faire des petites randonnées en forêt. C'est assez sympathique parce que lorsque ça monte, avec le vélo électrique, je mets le vélo électrique lorsque ça monte. Donc du coup, c'est plus facile. Mais et ça permet d'aller beaucoup plus loin, de faire de plus belles balades. Oui, parce que la semaine prochaine, il y a quoi ? Le rouleau marchon. Oui, rouleau marchon sur toi. Alors, je ne travaille pas le jeudi. Oh, 10 km, je crois. Non, non, je suis triste. On va faire 10 km. 15. Je suis triste. Non, mais sinon, non, je... 30 ? Oui. Bah oui, ça va être long. Ça va être long. Bah, qu'est-ce que ça va être pour moi, alors ? Hein ? C'est long pour toi, moi. Ah hein ? Un vélo électrique, justement, c'est vraiment très bien le vélo électrique. J'ai jamais fait. Tu peux enlever, tu peux pédaler normalement et mettre en électrique lorsque c'est vraiment très très difficile c'est quand tu as tout à monter. Ah, c'est vraiment bien. C'est gargo. Ça veut dire que tu peux faire. J'en ai fait en Alsace dans les vignes où ça grimpe énormément. Hein. Et du coup, là, avec l'électrique, c'était quand même très agréable. Et on peut faire beaucoup beaucoup de kilomètres. Tu peux rejoindre un village, Kaisersberg à Rigvir, et c'est vraiment très bien. Non, non. C'est gargo, ça. C'est gargon, oui. Non. Et regarde. Ça sort, ça. C'est de petits, petits. Voilà. Vas-y, Corinne. Vas-y, Juliana. Aimes-tu ton travail ? J'adore ce travail, je l'ai choisi. Hein. Donc oui, j'aime ce travail, oui. Le travail que je fais actuellement me convient énormément. Vas-y, Nicolas. Quel est ton âge ? Alors, je suis née en 66. Est-ce que quelqu'un peut faire le calcul ou pas ? Est-ce que vous pouvez le faire ou pas ? Ah non. Non. Alors, je vais simplifier. J'ai 52 ans, j'aurai 53 ans au mois de décembre. Donc, 52 actuellement. Je pourrais être votre grand-mère, je pense. La grand-mère, elle est là. C'est pas jeune. Et d'ailleurs, je suis grand-mère. Hein. Vous ne m'avez pas demandé, j'ai un fils. Mais j'ai une petite fille aussi, qui est née il y a 6 mois. Voilà. 6 mois. Qui a 6 mois actuellement, qui s'appelle Gaïa. D'accord. Gaïa. D'accord. Gaïa, oui. Gaïa. C'est quoi ce dodo ? Quelle est ta couleur préférée ? Alors, c'est difficile parce que moi, j'aime toutes les couleurs. Toutes les couleurs chaudes, tout ce qui est rouge, orange, jaune. Alors, ma préférée, ça va être le jaune. Voilà. J'aime la couleur du soleil. Voilà. Ouais. Mais j'aime toutes les couleurs chaudes. D'accord. Pardon le micro, Juliana. Approche un peu le micro. Voilà. C'est quoi ton travail ? Mon travail, hein, oui. Actuellement ? Oui. Bah, je suis avec vous, je suis aide médico-psychologique. Donc, je travaille donc avec vous, vous me voyez tous les jours. Je pense qu'il y a des questions qui viennent après sur le travail, donc on développera tout à l'heure, je pense. Oui. Ah, c'est ça ? Ok. Juliana, merci. Non. Oui, Nicolas ? Oui. As-tu déporté plainte contre quelqu'un ? Non. Non, pourquoi cette question ? Elle m'a interpellée d'ailleurs. Pourquoi tu m'as posé cette question ? Je sais pas. Non, c'est bizarre comme question. Question un peu originale. Hein ? Parce que ça t'est déjà arrivé ? Non. Tu connais quelqu'un qui a porté plainte ? Non. Non, oui. D'accord, elle est venue comme ça. Ok, c'est rigolo. C'est quoi porter plainte, Nicolas ? Tu peux expliquer ? Contre une agression. Contre une agression. Zinedine, arrête de rire, on écoute Nicolas. Contre une agression, là. Qu'on agresse quelqu'un. Un agresseur ? Ouais, un agresseur. Alors, comment on fait pour aller porter plainte ? C'est où, qu'on va ? À la gendarmerie. Oui. Ou à la police. Mmh. Et on porte plainte. Porte plainte contre quelqu'un. Et ça sert à quoi alors ? Est-ce que tu sais ça sert à quoi de porter plainte ? Non. Non ? Bon, faudra peut-être comme ça, travailler là-dessus. Non. À se défendre. On va peut-être demander à Christopher, il a toujours... Pourquoi ? À ton avis, Christopher... Pour te faire agresser. Oui, mais ça sert à quoi ? Pour mes sens en prison. Il y en a qui peuvent aller en prison, oui. Pour se faire arrêter, avoir une amende, se faire punir par la loi. Voilà. Merci, Christopher. Merci, Christopher. Vas-y, Nicolas, tu peux continuer ? Dernière question. As-tu une mamie et un papa? Papi. Papi, je veux dire. Papi. Alors, moi, il me reste juste une mamie. Oh. Qui habite donc au Portugal. Et qui va avoir 100 ans. 100 ans? Ouais. Ça fait jeune. Non, c'est vieux, 100 ans. Non, ça fait âgé. C'est beau. Vous pouvez dire que c'est beau. Alors, c'est beau parce qu'elle est en pleine forme. Elle fait encore son champ, elle cultive ses patates. Voilà, c'est un petit bout de femme qui est en forme et qui, voilà, avec 100 ans, c'est vraiment très très beau. Oui. À 100 ans, mais c'est mort normalement. 100 ans. On est mort à 100 ans normalement. Bah, disons qu'on a plus de chance à 100 ans. Oui, à vivre. Mais il y a des gens qui vivent. Qui meurent déjà. Comment? Qui meurent un peu avant. Oui, oui, oui, même très jeune, on peut mourir à tout âge. Voilà. Mais généralement, oui, la fin de vie, c'est vers 90. Si on n'a pas de maladie, on va vivre jusqu'à 90, 100 ans, quoi. Voilà. Enfin, c'est plus rare d'arriver à 100 ans, mais il y en a de plus en plus. Quand d'été ? Voilà. J'ai plus de questions, là. Plus de questions de la part de Nicolas. Okay. Eh bien, Christopher. La date de naissance. La date de naissance de ton fils. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait 33 ans. Donc du coup, quelle année, vous savez ou pas? Non, le calcul, vous ne pouvez pas le faire. Donc il est né le 22 novembre 1985. Il est né 86. 85, il aura, oui, il est né en fin d'année. Donc il aura 34 ans en fin d'année, voilà. C'est Corinne. Je peux le dire après toi, Juju. Et il s'appelle, alors je vais quand même vous le dire, il s'appelle Virgile. Virgile. C'est un drôle de nom. C'est un drôle de nom. C'était un grand poète latin. Voilà. C'est un vieux prénom. Ouais, c'est quoi ça? Christopher, c'est pas un drôle de nom. Bah, Christopher, ça peut être un drôle de nom hein, aussi. Non, hein. C'est pas un drôle de nom. Ça peut. Christopher, là. Ça peut l'être aussi. Comme Virgile. Virgile. Comme Camille. Juliana. As-tu tes parents? Non, malheureusement, ils sont partis, ils sont décédés tous les deux. Voilà. Il n'y a pas longtemps, ils sont presque décédés en même temps, mais voilà, ils sont partis. Voilà, j'ai plus de parents, je suis orpheline. Oh yeah. J'ai juste ma grand-mère, comme je vous l'ai dit, voilà. Après? Où tu habites? Alors, moi, j'habite pas très loin d'ici, c'est Remiremont. Donc, au centre-ville de Remiremont. Juste à côté, là, à 2 km, 1 km, 2. On va pas vous donner l'adresse. Voilà. Oh, je vous donne pas mon adresse parce que j'ai pas envie de vous avoir tous les samedis chez moi. Mais moi, je sais que t'habites, sans choisir. Tous les samedis. Oui, Juliana, on s'est déjà croisé à Remiremont. Moi aussi, moi. Oui. On s'est croisé une nuit. Une nuit? On s'est rencontrés la nuit. Non. Juliana. Tu faisais la nuit dehors, Nicolas. Rien. Vas-y, Juliana. As-tu des oncles et tantes? Alors non, malheureusement, c'est pareil. Hein. Quand j'ai dit tout à l'heure que j'étais orpheline, j'étais vraiment orpheline. J'ai perdu ces derniers temps mon père, ma mère, mes oncles, ma tante. Donc, on ne veut pas s'étayer, ça va être très triste. On va passer à autre chose. Donc non, j'ai pas de tante. On va passer à autre chose. Corinne, c'est ma dernière. Ouais. As-tu tes frères et sœurs? Ah, par contre, j'ai tous mes frères et sœurs. On est 7 chez nous. Donc, oh, 7, c'est beaucoup. 7 enfants. C'est quoi leur prénom? Il y a 3 garçons, 3 filles. Oh. Et prénom, oh, il y en a beaucoup, hein. Tu veux bien les... Alors, Philippe, le petit dernier, Paola, c'est tous des noms, hein. Virginia, Teresa, et les garçons, c'est Carlos, Fernand et Philippe. J'ai tout dit, oui. Oh, belle famille. C'est vieux. Voilà, nous sommes 7. C'est vieux, là. C'est vieux, alors. Eh oui. Ils ont les noms. Zinedine, vous êtes bien 4, vous. Quoi? Zinedine, bon, Zinedine, vous êtes combien? T'es combien? Il y a 4. Combien? Zinedine. Samy. Cassie, je crois. Samy, Karim. Cassie. Qui? Bussi. Oui. Cassie. Nasri. Nasrine. Moi, oui. Zinedine. Zinedine, ouais. Combien? 4, voilà. Donc vous êtes 4, voilà. Oui, chez, c'est bon, ça fait 6 avec ses parents. Chez Zinedine, ils sont 4. Voilà. Ouais, mais là, on comptait les enfants, Nicolas. Oh, c'est Vas-y, Camille. Aimes-tu ton travail? Alors, la question m'a déjà été posée tout à l'heure. Mais je vais répondre encore et encore, oui. J'aime mon travail. Vas-y Camille, encore. Fais-tu les magasins? Oui, bah comme toutes les filles, hein, je crois que... comme toutes les filles, je crois que j'aime bien faire les boutiques, trouver toujours le petit t-shirt qui va bien, le petit pantalon qui va bien aussi, ouais, je fais les boutiques. Et ça ? Celle que t'as manqué, Camille. Brune, il m'a parlé qui crie. C'est quoi, Brune ? Faire chauffer la carte bleue. C'est quoi, une... Je fais chauffer la carte bleue. Non. Ouais. Oui, je fais chauffer la carte bleue, mais j'essaye de ne pas être à découvert, parce que il faut quand même pouvoir manger tout le mois. Je me comprends pas. Voilà. Pourquoi j'ai l'air ? Oui, Camille, encore une question. Que fais-tu avant l'IM ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'ai fait un autre métier, qui était un métier de fleuriste. Voilà, j'étais fleuriste. Donc, j'avais un magasin avec ma sœur au centre-ville d'Ormiremont où on vendait des fleurs et on travaillait pour tout. Ah, c'est la boulangerie, là ? Non. Non, c'était au centre-ville. Donc, on travaillait pour toutes les occasions de la vie, de la naissance à la mort, hein, puisqu'on achète des fleurs tout le temps. Pour la mort. Même pour mettre chez soi, parce qu'on aime les fleurs, ou pour piquer, ou pour offrir pour les mariages. Voilà, j'étais fleuriste. Donc, vous allez acheter des fleurs des fois de vos parents ? Non. Oui, non, oui. Je peux dire ma question ? Non, bah attends, on est sur une question. Oui, non, moi, c'est quand on va voir mes grands-parents. Bah voilà, quand on visite à quelqu'un, on offre des fleurs ou tout, mais les fleurs... Quand on fait l'anniversaire de ma sœur, un petit bouquet. Voilà, puis on peut avoir un bouquet de fleurs chez soi, parce que les fleurs, c'est toujours très joli. Ouais. Enfin, moi, j'ai toujours un bouquet à la maison. J'achète toujours un bouquet par semaine, parce que j'adore les fleurs. Non, moi. Toi, non. T'en offres pas à maman non plus. Non. Pas à maman. Maman, elle est méchante. Méchante, Nédine. Méchante. Corinne. Oui, vas-y, Camille. Pose-moi ma question. As-tu un animal de compagnie ? Alors, j'ai rigolé quand j'ai entendu cette question-là, parce que j'ai pas d'animal de compagnie. Par contre, chez moi, j'ai un loir qui se promène dans les cloisons en permanence. Et je l'ai pas choisi comme ami, hein, mais lui, il a choisi ma maison comme lieu d'habitation. Donc, effectivement, j'ai pas d'animaux de compagnie. J'ai ce loir qui vient de temps c'est en temps quoi, me rendre visite. Oh, c'est un rongeur qui ressemble un petit peu à un chat. Qui se trimballe dans les murs, dans les cloisons, la nuit, qui fait plein de bruit, qui me mange tout. Et tu nourris ? Non, c'est entre le toit et le plafond, donc c'est pas accessible. Et cette bête-là, elle m'ennuie de temps en temps. Elle vient taper dans les murs, elle se promène la nuit, elle me réveille. Le jour, elle dort. Et ça devient très énervant, oui. Léna ? Ouais, c'est pas mon animal de compagnie, mais j'ai dit ouais, presque. Léna ? Mais faut plus, mais. L'SPA alors ? C'est l'animal. L'SPA là. Est-ce que la SPA recueille les loirs ? Non, il recueille les chiens. Ils sont durs. Alors, le loir, maintenant, c'est devenu un animal qui est protégé. Avant, on les attrapait. On avait, dans les mairies, on avait des chasseurs agréés qu'on faisait venir pour les capturer et les tuer. Maintenant, parce qu'ils sont en voie d'extinction, enfin, on pense qu'ils sont en voie d'extinction, on les protège. Donc, on n'a plus le droit de les tuer. Donc, ils ont proliféré. Pardon. Il n'y a plus de chasseurs et de piégeurs agréés, je bégaye. Donc, on n'a plus le droit de les tuer. Voilà. Mais c'est des belles bêtes. Mais c'est très joli. Hein. J'ai réussi une fois à en attraper un dans un piège. Hein. C'est vraiment très beau. Mais ça fait des dégâts. Ça mange de la laine de verre. Enfin, ça détruit tout. Ça fait des nids. Ça mange l'isolation. Donc, du coup, oui, ça m'embête énormément. Ça a beau être une belle bête, ça m'embête. Bah pour pas qu'il mange l'isolation, il faut peut-être que tu lui donnes à manger. Léna. C'est ce que m'avait dit Noiseau et Nature, parce que j'avais appelé à l'époque Noiseau et Nature. Ils m'ont dit, bah, faut le nourrir, donner-lui un œuf de temps en temps. Bah oui. Voilà. Bah ouais. Mais je suis en ville, je ne suis pas à la campagne. Dans les maisons à la campagne, ça va, mais en ville, les loirs n'ont rien à faire dans les maisons. C'est voilà. Même étonnant. Oui. Alors derrière chez moi, j'ai un très grand jardin qui est à l'abandon. Donc du coup, il y a pas mal de faune. Oui, il a de la place. Voilà. Quoi. Il y a des écureuils qui c'est calme. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est pas un animal de compagnie, mais j'essaye d'en faire un animal de compagnie pour que ça ne m'agace pas trop. Je dis bah, bonjour le loir, ça va ? Et puis comme ça, je suis moins stressée quand j'entends du bruit. Voilà. Voilà, puis après, il toque, lui, contre les murs. Il est cassé pas ? Oui, Christopher. Et quoi, tu sais pas de la craper, Léna ? Alors, je ne peux pas l'attraper, mais j'en ai déjà attrapé un il y a une dizaine d'années, hein, dans une cage, comme je l'ai dit tout à l'heure. T'as voilà. Que prendre du fromage, tu... Alors, j'avais pris une pomme. C'est des animaux qui mangent des oui. fruits, des noisettes. Dans les habitations, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font leur-même, leur propre habitation. Ils vont mettre leur toilette, leur... ils sont très, très organisés. C'est très hein. propre. Très organisés. Ils vont avoir leur toilette, ils vont faire pipi, ils vont avoir l'endroit oui. où ils vont se reposer. Donc, du coup... voilà quoi. Je peux pas faire grand chose pour l'instant, je subis. Eh ben écoutez, on va faire la première pause avec la chanson de moi. Camille. Quoi hein? Louane. Camille. Pourquoi pas la mienne? Très beau choix. C'est possible. J'avais pas prévu celle-là, mais. Ben écoute, mais l'autre alors. Eh ben Nicolas. Oui. Tiens, laquelle? C'est la 8. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Après la chanson de Nicolas qui était El Professeur. Un professeur. Voilà, donc ça bougeait bien. Hein. Ok. Ah oui. Eh ben allez, Christopher m'a dit qu'il avait une question pour Hélène. As-tu eu un PV? Des PV, j'en ai eu plein, oui. Mais quand j'étais justement fleuriste, parce qu'on allait souvent livrer des fleurs. Donc on sortait, on rentrait dans le magasin et la voiture, on ne pouvait pas la garer chaque fois. Donc du coup, oui, la police passait, nous mettait toujours des PV. J'en ai eu énormément. Après, tu desserrais les PV. Non, non. Enfin, je peux pas. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'aurais bien voulu vous expliquer ce que j'en ai fait, mais là, j'en ai pas le temps. Ah, si, est-ce que c'est poubelle. Une solution de les déchirer? Non, qu'après, tu vas en recevoir plus et plus. Voilà, parce que si tu les payes pas, qu'est-ce qui se passe? Prison. Tu es en prison. Ça, non, tu vas avoir une amende et ça va revenir sans arrêt. Bah, elle va être plus forte, celle qui arrive après. Et ça va, comme si ça a 10 euros, ça va venir à 400 euros, toi. Une majoration, oui, qui se fait si tu payes pas. Ça va coûter encore des fois plus cher, si tu payes pas. Ah, Steven, vas-y, parle dans le micro. Steven a une question pour Elena. Est-ce que quand tu fais mal ton cravate, ton sel, tu râles dessus? Excuse-moi, Steven, je n'ai pas compris. Est-ce que quand tu fais mal ton cravate, ton sel, tu râles dessus? Alors, est-ce que quand je fais mal mon travail, le chef me râle dessus? Oui. Alors, pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Alors, le chef, il n'est pas là pour râler. Il est là pour nous aider, pour nous conseiller. Il ne va pas nous râler dessus. Il va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, on s'explique. Et là, il dit, ben, ça serait mieux de faire comme ci, comme ça. Et nous, on est là pour l'écouter. Voilà. Mais il ne nous râle pas. On n'a pas des chefs qui râlent chez nous. Non. Puis pour ça, il faudrait déjà qu'Elena elle fasse mal son travail. Ouais. C'est pas le cas. Mal payé. Donc elle a pas de raison de se faire mal payé. C'est mal payé, toi tu dis. Oui, c'est mal payé. Bah tu sais pas. Est-ce que t'as du travail? C'est peut-être payé. Bon, on est payé normalement, voilà, ça va. Oui, Juliana. Merci. Alors oui, donc j'ai répondu à ta question, ça va, Steven? Oui. Voilà. Donc si on fait mal le travail, oui, certainement, mais c'est pas le. Ils sont pas là pour râler. On peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Et à ce moment-là, on en discute. Voilà. Et on essaye de chercher des solutions. Voilà. Vous êtes même fatigué. On peut être très fatigué, oui. Oui, oui, oui. Le travail peut nous fatiguer énormément, oui. Oui. Je suis dit, Zinedine, prends le micro, là. Celui de Juliana, parce qu'elle est partie, je sais pas, dans un dessin, Juliana. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire à Elena? Elle est douée, elle est faim. La fête des baisers. La fête, je sais pas. La fête du ramadan. Oui. La fête du ramadan, je crois, il dit. Non. Alors, moi, si je crie, non, si je danse, oui. J'aime bien m'amuser. Ah oui, j'adore m'amuser. J'adore comme tout le monde. Hein, tout le monde aime s'amuser, je crois. La fête de Noël. Non? On aime danser, on aime bouger. Toi aussi, t'aimes bien danser? Ouais. Boîte de nuit. Ouais. Tu as fait la fête cette nuit d'ailleurs. Oui. C'était pas la fête de l'Aïd? Si. Si. C'était la fiesta. Là, il est fier. C'est la fête. C'est la fête du ramadan. Ah non. Yo. Voilà, j'ai créé moi des visions. Oui, du coup. Est-ce que tu as. Laisse le micro. Là. Est-ce que tu as créé toute la nuit? Oui. Ouais. Je m'étonnerais, hein. Yo. Fête du ramadan. Bon, on arrête. Stop. Allez, on poursuit. Vas-y. Yo. Vas-tu en vacances? Où? Alors, cette année, je vais deux fois en vacances. Je vais voir mon fils qui habite du côté de la Haute-Savoie, à côté d'Annecy. Merci. Et ensuite, direction le Portugal. Portugal. Voilà. C'est très beau, le Portugal. C'est loin. C'est très loin. On met 19h. Moi, portugaise. Si on y va en voiture, on met plus de 19h de route. Voilà. Oh. Il y a 1850 km là où je vais. Voilà. Tu vas en avion, toi, Léna? Cette fois-ci, j'y vais en voiture, puisqu'on est plusieurs. Ah. Mais normalement, c'est l'avion, c'est 2h30, hein, voilà. Ah, ça, c'est pas long. En avion, non. Non, enfin, il faut aller jusqu'à l'aéroport. Hein. Généralement, on prend l'avion à Dole, qui est à 2h30 d'ici, quand même. Et ensuite, on a atterri à Porto, où je suis encore à 2h de là où je dois me rendre, voilà. Oh. Donc, mais en voiture, oui, c'est très, très long, effectivement. Hein, oh. Mais bon, j'aurai 3 semaines pour me reposer. L'Algérie, c'est encore plus loin, Zinedine. Oh non! Bah si! Oh si! C'est encore plus bas. L'Algérie. Oh non! Bah, l'avion, c'est 2h30. Oh, la géographie, il y a du boulot là. Ah, c'est pas long là, c'est pas long, 2h. Bah ça fait déjà. Ça fait très long. Si, il y a beaucoup de kilomètres. Vas-y, Camille, poursuis. Vas-tu à la piscine? Alors, je vais à la piscine parce qu'il y a une activité piscine au sein de l'IME, vous le savez. Ah oui, le moi. Mardi matin. Oui, j'avais été avec Benoît. Oui, avec Benoît moi, aussi. J'ai été à vous. Voilà. Sinon, donc, personnellement, j'y vais aussi. J'y vais le dimanche matin de temps en temps. Et tout l'été, j'adore aller me baigner, j'adore l'eau. Donc, je vais souvent à la piscine. Et quand je ne vais pas à la piscine, je vais me baigner dans des lacs. Les lacs, il fait froid. J'adore l'eau fraîche. Quand il fait chaud, 32 degrés dehors, franchement, l'eau fraîche, ça fait du bien. Donc, je vais me baigner dans des lacs, ouais. Style lac des Corbeaux, lac de Longemer, hein, Saulsure, j'y vais de temps en temps. Ouais. Ou à la mer, hein, j'en ai tout près. À la mer. Oui, à la mer, bon. Pendant les vacances. Tu vas souvent, Nicolas, aussi à la mer? Non. Oh, non, il est froid non plus. Allez, vas-y, Kaby, poursuis. Mets-tu du vernis? Non, juste aux pieds, aux orteils et des pieds. C'est C'est plus ça. Juste les pieds, pas les mains, parce que c'est peut-être parce que mon métier de fleuriste me le permettait pas, donc j'ai pris cette habitude de pas me mettre de vernis sur les ongles, parce que fleuriste, faut pas. Ben on a les mains très très abîmées, on a presque des mains de mécanicien avec le pinel, le sécateur et les teintures des fleurs qui sont naturelles. Donc on a toujours plein de crevasses, on a les mains dans l'eau tout le temps, dans la terre, dans l'eau. Donc du coup on a toujours les mains toutes abîmées. Oh, non, moi j'avais des mains, je les cachais moi. Je cachais mes mains tellement elles étaient abîmées. Donc non, tu peux pas mettre de vernis. Enfin, t'as toujours de la terre, des coupures, t'es blessée de partout. Hein. Moi, après une fête des mères, lorsque je travaillais, j'avais les mains dans un état lamentable. Ouais, non. Ça, oui. Donc du coup, non, j'ai jamais pris l'habitude d'en mettre sur les doigts. Puis ça n'aurait pas été, ça n'aurait pas tenu, hein, puisque t'es toujours dans l'eau, dans la terre. Donc j'en ai jamais mis, non. Voilà pour répondre à ta question, Camille. Ah, les filles. Voilà, je suis pas une vraie fille. Si. Je peux redire magasin, Léna, je ne. Non, moi. Non, toi, t'es pas une fille, c'est sûr. Je peux encore tout. Redresse-toi, c'est pas encore ça, Corinne. Vas-y. Vas-tu au cinéma? Oui, oui, oui. J'aime beaucoup aller au cinéma, surtout voir des petits films d'auteurs étrangers en VO. C'est-à-dire qu'ils sont sous-titrés, hein. Ils sont vraiment dans la langue du pays. Et du coup, j'adore regarder les petits films d'auteurs. Oui. J'y vais deux fois par mois, si ça vous intéresse. Je vous sens partie, là. Oh non ! Le cinéma, là, vous y allez, vous ? J'y vais deux fois par mois. Non, voilà. moi, j'y vais pas. Non, j'y vais plus. J'y étais une fois avec ma sœur et mon beau. Parce que les places sont très chères, c'est ça ? Non, c'est qu'on n'a pas envie. Ouais. La télé, c'est mieux. Hein. Ah oui ! Télé ! Coca ! Coca, voilà. Manger. Allez, Christopher, vas-y, pose une question. Bois-tu l'alcool? Alors, je vais déjà dire que l'usage, enfin la consommation d'alcool est interdite pour les adolescents comme toi. Pour les enfants adolescents. Donc du coup, à consommer avec modération. Alors, pour répondre à ta question, une fois que j'étais avertie, oui, je bois. J'aime le bon vin. Quand je sors, qu'il y a un bon petit repas, un bon repas. Non, un verre seulement. Je vois Alexandre qui est en train de me... Alexandre. Christopher qui me mime avec son doigt la boisson. Non, alors ça va être un verre. Voilà, un verre parce que c'est un bon repas, parce que c'est un bon vin et parce que je suis avec des bons amis. Voilà. C'est un tout. T'as compris ? Je ne boirai pas d'alcool pour prendre... pour être pas bien, quoi. Moi, si je bois de l'alcool et que je suis pas bien, ça sert à rien, quoi. Mais pas saoul, voilà. Je veux pas être saoul. Malgré qu'on n'ait pas un métier facile, pardon, on se saoule pas tous les soirs. La bouteille entière. Donc, je précise quand même que l'alcool est interdit en dessous de 18 ans, d'accord ? Même si j'en bois moi, mais je peux en boire parce que j'ai plus de 18 ans, d'accord ? C'est pas très bon l'alcool, hein. Doucement. Ben. Ouais. Avec modération. J'ai déjà goûté, j'aime pas. Ah ben continue. Quand je n'aime pas comme ça, je. Continue de ne pas boire. Il sera sous après. Une dernière question. Oui, Christopher. Vous voulez ma dernière? Oui. As-tu une piscine? Chez moi? Oui. Le poulet. Non. J'ai pas de piscine, mais effectivement, je serai riche. Je crois que ça serait la première chose que je ferais, c'est de mettre une piscine intérieure, à l'intérieur de chez moi. Ouais. Voilà. Je crois que c'est vraiment la première. Je débuterai par ça. J'achèterai une piscine. Ouais. À des dauphins. Non, pas avec des dauphins, non. Avec des dauphins, non. Les dauphins, les dauphins, ça nage pas dans les piscines. Voilà, non. Un jacuzzi. Un hippopotame. Un jacuzzi. Bah, un hippopotame, là, tu divagues. Il a bu, Christopher ou Non, Christopher, hein, tu feras le requin, tu feras... Top, top, là. Un jacuzzi. Fais-tu des gâteaux? Question amusante. J'aime pas la pâtisserie, mais j'ai un atelier pâtisserie le mardi après-midi. Donc les seules fois où je fais des gâteaux, c'est à l'IME. Ça sent bon. Voilà, c'est à l'IME avec mon groupe. Donc oui, c'est la seule fois où je fais des gâteaux, ouais, parce hein, que... Oui, Nicolas, hier, on a senti, nous. Hein, donc hier, effectivement. Moi aussi. Alors, on a fait un gâteau au chocolat pour l'anniversaire de Raphaël, qui avait 14 ans, d'accord. Il était trop bon hier. Oui, voilà. Bah, c'est ce qu'on dit avec Nicolas. Mais on n'a rien, nous. On fait partie du groupe. Mais vous n'étiez pas là, peut-être. Mais, Nicolas. Ah, d'accord. Ils ne sont pas venus vous chercher? Non, on a été obligés, hein. Donc du coup, pâtisserie, oui. À l'IME, au sein de mon travail. Mais chez moi, non. Quoi? Je suis pas gâteau, j'aime pas les gâteaux. Quoi? J'aime pas le sucré. Et quoi? Ça y est, j'ai répondu, j'aime pas le sucré. Non. Fais-tu du cheval? J'en ai fait, oui. J'en ai fait il y a quelques temps. Mais bon, voilà, je suis passée à autre chose. Cheval, ça reste un peu cher quand même au niveau des prix. J'aimerais bien en faire, oui, mais ça reste cher pour moi. C'est pas cher. Est-ce que tu y vas, Nicolas? Non, tu sais pas. À l'école, j'ai les plumes. Oui, mais bon, il faut quand même être équipé, avoir la bombe, avoir les habits, y aller régulièrement. Et ça représente beaucoup d'argent, quoi. Il faut des bottes. Voilà. Oui, mais bon, voilà, ça représente un peu d'argent de faire du cheval, voilà. Parce que vous avez de la chance que ça soit pris par l'IME, voilà. Vous avez fait du cheval, il y en a plus cette année. Mais effectivement, une séance de cheval, c'est assez cher, quoi. Pour moi, enfin, pour mon porte-monnaie, voilà. Zinedine, redresse-toi. Mais j'aimerais finir, Zinedine. C'est sûr, ça. Vas-y, Camille. Fais-tu du sport? Oui, je fais du sport, je fais de la natation, je vais courir le dimanche matin, et puis j'aime beaucoup marcher aussi, voilà. Vas-tu à la médiathèque? Alors, moi j'aime bien posséder, avoir chez moi les livres que j'ai lus. Une fois que j'ai lu un livre, j'aime bien l'avoir. J'aime bien qu'ils m'appartiennent. Je le mets dans ma bibliothèque. Donc, du coup, à la médiathèque, je ne peux pas les garder. Je suis obligée de les ramener. Donc, non, je ne vais pas à la médiathèque. Par contre, j'achète des livres soit à la librairie, soit je vais en acheter qui ont déjà servi, enfin, qui ont déjà été lus. Et du coup, je les ai pour moins cher. Ouais. J'aime beaucoup lire, donc j'ai beaucoup de livres. Mais la plupart du temps, j'aime les garder. J'aime bien les avoir à la maison pour pouvoir les relire plus tard. Tu es satisfaite? Ça te va? Oui. Parce qu'à la médiathèque, on est obligé de les ramener. Et moi, j'aime bien les avoir avec moi, les garder dans ma bibliothèque. J'ai une grande bibliothèque et j'ai tous mes livres dans ma bibliothèque. Ouais. C'est vrai, toi? C'est vrai? Va. C'est oui. Vrai? Courir. Oui, c'est vrai. Il m'en reste plus que... J'aime garder mes livres. Il m'en reste plus que ça, une question. Non. Il y a de la question pour Camille. Ben, vas-y, Camille. Vas-tu à la patinoire? Ça m'arrive occasionnellement. J'y allais l'année dernière avec un groupe aussi d'enfants, hein, dont Nicolas Murat, qui pourra t'en parler plus facilement que moi. Mais oui, j'y suis allée toute l'année dernière avec Nicolas. Et personnellement, ça m'arrive d'y aller une fois par an, quand j'emmène des petits-enfants à la patinoire. Mais sinon, voilà, exceptionnellement, je peux y aller, oui. Ouais... Ça m'arrive. Oui. Est-ce que j'essaie patiner? Oui. Nicolas, je savais patiner ou pas? Non, pas. Quoi? Ah, c'est sûr que ça, si. Ça plaît. Non, si. C'est sûr que Nicolas, c'est un pro du patin. Hein. Il est sur la piste et il y va, il court, il se fait des galipettes, il s'arrête, marche arrière. Effectivement, que par rapport à Nicolas, j'ai un niveau de débutant. Oui. Ah. Quel est ton plat préféré? Alors j'aime les huîtres. Bon, c'est pas forcément. J'adore les huîtres par leur fraîcheur, mais c'est pas un plat cuisiné. Alors en plat cuisiné, j'aime beaucoup les plats qui sont en sauce, style coco vin, bœuf bourguignon. S'il vous plaît, Zinedine, redresse-toi. Voilà, c'est plutôt les plats en sauce. Ouais. Moi, j'aimerais ça, toi. Mais c'est bon. Mais non. Voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup les plats cuisinés. Et c'est quoi des huîtres? C'est des palmes? Ah non, alors c'est des gros coquilles. Tu sais ce que c'est? Alors... Tu passes souvent au bord de la mer, toi, tu sais. Au bord de la mer. Alors, les huîtres, c'est des coquillages qui sont fermés. Ah, ils sont fermés. Et puis après, tu prends pas, tu les ouvres. Et tu dois les couvrir. Voilà. Ça, non les moules, hein. Ah, alors, c'est pas les moules. Hein. Pas les moules, c'est des huîtres. C'est gris, blanc, ça, c'est assez plat. Non, tu vois pas du tout. Si, moi, je vois, c'est quoi que... Les huîtres de Cancale. Ça y est. Vous avez vu dans la mer. Vous avez vu dans la mer, en plus. T'as déjà vu ? Non, ça vient de la mer, ça. Ah non, c'est cultivé, hein, les huîtres. Ouais, ça s'appelle, c'est de l'élevage. Oui. Est-ce que t'aimes bien les escargots ? J'aime beaucoup les escargots également, parce que... Ah, je vois que tout le monde déteste ça. Alors, les escargots, lorsqu'ils sont bien préparés, c'est vraiment très bon. J'ai jamais goûté, mais j'ose pas. Ah, il faut essayer de goûter, faut penser à autre chose, hein. Vous le mettez en bouche et vous verrez, c'est super bon. Ah, oh, mais non, c'est dégoûtant. Faut goûter alors. Moi, une fois, je l'ai goûté, j'ai même pas terminé. Alors, moi, ce que je peux dire. Moi, j'ai vomi, moi. Alors, moi, ce que je peux dire quand même, c'est que quand j'étais petite, effectivement, à vos âges, ou même plus jeune, je n'aimais pas du tout ni les huîtres, ni les escargots, j'en aurais vomi comme vous. Oh. Et maintenant que je suis adulte, eh ben, j'adore. Les huîtres, je m'en fais un régal, je pourrais en manger le matin au petit déjeuner. Ah, c'est super bon. Mais les goûts changent, hein. C'est pour ça qu'il faut goûter régulièrement les choses. Moi, j'ai pas là. Moi, j'ai pas là, j'ai mal là. Écoutes-tu de la musique ? Oui, j'aime beaucoup la musique aussi, tout style de musique. Alors, beaucoup de musique aussi du monde, hein, des musiques étrangères. J'adore écouter de la musique espagnole, africaine, portugaise, anglaise, italienne, arabe. J'adore tout style de musique. Rap. Du rail, du rap. Je suis vraiment ouverte à toutes les musiques, voilà. À part le hard rock. Ou le métal. J'aime pas le hard rock. Ni le métal, ça c'est vraiment, j'aime pas du tout. Ah, c'est vrai que ça fait, voilà. Le métal. Mais sinon, il y a tellement de... Ça dépend où on est, avec qui on est, comment on se sent. La musique, elle peut parler à tout moment. Voilà, oui. C'est, ça dépend avec qui on est, ce qu'on fait, comment on est disposé à l'écouter. Vas-y. C'est moi, c'est malade. Et je peux pas se mettre de canard. Fais écouter. T'es malade, hein, ouais, quand tu manges des huîtres. Oh non. Quand tu manges quoi? Des moules. Des escargots. Des escargots. Oh non. Oh. Mais c'est vas-y, Camille, termine alors, la question. Quel est ton chanteur préféré? Oh, c'est pareil, il y a tellement de grands talents sur, dans ce monde que c'est difficile de nommer une personne. Mais s'il y en a une que je peux nommer et qui restera toujours un grand talent, laquelle? C'est Jacques Brel. Ouais. Hein? Ben oui. Pour moi, ça restera un énorme question. Talent. C'est une référence, Jacques Brel. Voilà. Mais il y en a plein, hein. Il y a plein de chanteurs, hein, qui sont là, qui sont plus là, qui ont traversé toutes les époques. Mais il y en a un qui restera toujours, c'est Jacques Brel, parce que c'est un grand poète. Et quand il chante, c'est dommage parce que je voulais vous faire écouter quand même Ne me quitte pas, mais c'était un peu trop triste comme musique. Mais c'est... Ne me quitte pas. C'est un homme qui, lorsqu'il chante, c'est de la poésie. Et quand il chante, il a vraiment toutes les paroles dans son corps. Il les chante avec ses tripes. Il les chante avec son corps. Il vit ses chansons. Mais c'est souvent des chansons qui sont effectivement... très triste. Enfin, pour celle-là, Ne me quitte pas, c'est très, très triste. Il est vivant ? Alors, il est décédé. C'est un chanteur belge qui s'appelle... belge, d'un autre pays, à côté de la France. À côté. Il est décédé, je crois, dans les années 65. 65 ou 66, je ne sais plus. 65. 75, je dirais, moi. Il est décédé. C'est une marquise. Voilà. La dernière question. Je crois que c'est 65, 66, quelque chose comme ça, non ? Plus loin. 78. Oh là ! My God ! Mais pour moi, il est toujours vivant. Parce que il est vieux, alors ! Il est décédé, il est mort. D'accord ? Donc, en 78, je corrige mon erreur lamentable. Il semblait, 75. Mais du coup, voilà, et pour moi, il est toujours en vie parce que ses chansons sont toujours là. Elles sont là depuis très longtemps, elles resteront toujours là. Donc il est encore en vie. Grâce à ses chansons, il n'est pas mort, ce chanteur. Voilà. Vous ferez écouter un peu de Brel. Mais le regarder... tout maintenant. Le regarder, c'est encore mieux. Parce qu'écouter, effectivement, on l'écoute. Mais quand on le regarde et qu'il est sur scène, c'est un grand gaillard, grand, énorme, et qui chante avec tout son corps. Et quand on le regarde chanter, c'est terrible. Il transpirait, il était... Il était tout en transe oui. quand il chantait. Il vivait ses chansons. Ouais. Wow, c'est beau, Camille. Ah non, il ne me reste plus qu'une. Voilà, vas-y, je vais écouter. Quel est ton film préféré? Alors, les films préférés, j'en aime. Je vais vous en dire deux. Gladiator, qui se passe, c'est un film de Ridley Scott, je crois. Hein. C'est un film qui se passe sous l'Empire romain, qui se passe 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ, hein, je crois. Et l'autre, c'est La Liste de Schindler, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est tout ça. Qui est fait de. C'était, je crois que c'est Spielberg qui l'a fait, voilà. Ça parle de la déportation des. Voilà. Donc c'est un grand monsieur qui avait donc un grand monsieur allemand qui avait une entreprise qui grâce à son entreprise en Allemagne a pu sauver des milliers, enfin des centaines de milliers de juifs pendant la guerre. Voilà. C'est bon ? Oui. Merci Camille. De rien, Léna. Bon, et ben allez Léna. On va attaquer les dernières questions. C'est parti. Je ne sais pas si on aura le temps de passer ta chanson, Camille. Ça va être, ça dépend comme Elena va être bavarde ou pas. Je vais faire court. Allez. Qu'est-ce qui te motive dans ton travail? Qu'est-ce qui me motive dans mon travail? Excusez-moi. Alors, moi, ce qui me motive, c'est de voir tous ces jeunes le matin arriver avec leur sourire, avec... Les yeux ensommeillés, avec leur bonne humeur ou leur mauvaise humeur, mais qui arrivent le matin et qui sont là, tous les matins, et nous faire un accueil superbe, tous les jeunes, là. Et de les voir évoluer au quotidien, au fil des semaines, au fil des mois, et de voir tous ces progrès que vous faites, avec tout ce que vous pouvez ressentir, avec tout ce que vous êtes. Et ça, c'est vraiment motivant, c'est vraiment de vous voir avancer dans la vie, de vous voir progresser dans tout. Voilà. Vous êtes passé du stade de l'enfant à l'adolescent, et là, pour nous, c'est vraiment formidable de vous voir vraiment vous éveiller, grandir, progresser. Et c'est vraiment, c'est ma motivation, c'est vraiment ça, c'est de vous voir au fil du temps. De voir tous les progrès que vous avez accomplis, voilà. Et c'est, je suis vraiment contente d'arriver tous les matins et de les voir sortir du taxi. Franchement, c'est vraiment un truc qui me fait battre le cœur parce qu'ils sont tous là. Bonjour, bonjour. T'as passé une bonne nuit? T'as passé une bonne soirée? Et ça, c'est vraiment très agréable de commencer une journée avec un accueil aussi extraordinaire. Bah, pour la plupart, hein, ça se passe comme ça. Oui, parce qu'à cette heure-ci, ils sont endormis. Hein. Bon. Et d'être ce que vous êtes, avec vos différences, mais voilà, vous êtes toujours en progression. Pour moi, il y a toujours des belles évolutions. C'est waouh, waouh. Pour moi, c'est un waouh. Merci, voilà. Elena. Alors, qu'est-ce qui te plaît ou pas dans ton travail? Qu'est-ce qui te plaît moins, hein? Alors, moi, Alors, c'est pas moi, hein. J'essaye d'intéresser les enfants. Hein, toutes les activités sont belles. Hein. Tout ce qu'on fait est beau, puisque finalement, elles sont mises en place pour vous. Toutes les activités qu'on met en place, c'est pour vous. Moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir les intéresser justement dans l'activité. Hein, c'est de les voir s'épanouir dans cette activité. Y a rien qui me déplaît, hormis, bon, si, il peut y avoir la violence, les cris. Les cris, la violence, lorsque ça devient trop tendu, qu'il y a des... ouais, la souffrance aussi, hein, parce qu'on oublie de dire quand même qu'il y a aussi des enfants qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer, à parler. Et quand ils ont mal, eh ben, ils vont crier, ils vont taper. Et là, c'est difficile pour nous parce qu'on ne sait pas du tout comment faire. Voilà. Enfin, on essaye de mettre des choses en place, mais ça reste très difficile. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Il y a des enfants, on en a, hein, l'IME, qui sont en crise, hein, et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas s'il a vraiment mal, enfin s'il a mal, mais on ne sait pas comment résoudre ça parfois. Donc ça, c'est difficile pour nous. On est face à des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, on ne maîtrise pas tout. Et ça me déplaît, oui. Ou alors les personnes qui sont violentes comme ça, gratuitement, qui vont mettre des coups de pied partout, casser le mobilier, qui vont détruire l'endroit où ils se trouvent. Alors que c'est chez eux, l'IME... si c'est propre, si c'est nickel, si c'est beau, si on a des beaux outils, eh ben c'est quand même mieux que de les casser volontairement. Il y a aussi de la violence gratuite. Ça, on n'en parle pas, mais il y a aussi beaucoup de violence gratuite. Après, c'est des paliers aussi, la violence. Hein, Elena, ça commence par le matériel et après, ça va sur les personnes. Hein, aussi, oui. Ouais. Donc oui, on commence par taper sur un mur, défoncer un mur, déchirer de la tapisserie, tirer sur les fils de l'ordinateur, ensuite à taper sur un collègue, un copain. Voilà. S'il n'y a pas de réponse, voilà. En général, c'est la cascade. Ouais. Donc voilà, ça me déplaît, c'est que parfois, on est dans un environnement, l'IME, c'est vraiment un endroit formidable. Enfin, pour moi, c'est un endroit formidable qui représente beaucoup de choses. Ça traverse quand même, ça a traversé des dizaines d'années où des enfants s'en sortis, sont devenus des jeunes adultes et qui sont maintenant épanouis. Et voilà, pour moi, c'est très important que l'IME conserve ce côté sécure, agréable, tout ça, quoi. Donc, c'est votre endroit pendant quelques années. Donc, il faut faire Est-ce très que attention. Vous plaisez, vous, à l'IME ? Oui. Oui. Alors, Elena, est-ce que tu as des projets ? Ou tu peux aussi ne pas en avoir. Hein. Au sein de l'IME ? Oh, bah, je ne sais pas. Dans général, la vie, hein, c'est une généralité. En général, dans les, pour la retraite, ça serait de partir vivre à l'étranger, effectivement. Alors, sinon, j'ai des projets à court terme, un peu comme tout le monde. Hein, c'est de passer du bon temps pendant les vacances. Voilà. Me payer des belles vacances, hein, profiter. Ça, c'est les projets à court terme. Des projets personnels, c'est apprendre une langue. Effectivement, j'essaye d'apprendre un petit peu plus le portugais. Au sein de l'IME, j'avais un beau projet en tête, mais on n'a pas le temps d'en parler. Bah, écoute, là, on a 5 minutes de rab, elle a dit Marion. Hein, donc, Marion a 5 minutes de rab. Alors, c'est un projet que... Alors, moi, j'aurais aimé, au sein de l'IME, mais là, il faut que toute l'équipe soit d'accord, mais c'est d'implanter sur le site de l'IME, juste devant les grilles, on a Interplein, tu vois, là... Oui. On arrive, il y a Interplein. Oui. Donc, c'est implanter les 40 personnages qui vivent à l'IME, donc les 40 enfants qui vivent à l'IME, en modèle taille réelle en bois peint, et implanter ça devant l'IME, que chaque personne puisse contribuer donc à son modèle, donc par le découpage, par le biais d'atelier, par le découpage peinture et l'implantation des modèles de chaque enfant. Tu vois un petit peu ou pas? Après, devant l'IME, pas à côté sur parking, l'autre côté. Non, le côté où il y a le terre-plein. C'est-à-dire que chacun aura sa représentation, chacun pourrait avoir sa représentation à taille réelle, en bois, peint, de ce qu'il est, de son parcours à l'IME. Pourra venir se projeter même des années après pour dire, tiens, moi j'étais là, je vivais là, je suis là maintenant. Tu vois un petit peu ou pas? Enfin, j'avais déjà fait un petit peu les modèles, mais il faut que j'en parle un petit peu à l'équipe. Et comme il y a pas mal de projets en route en ce moment, oui, sur l'IME... Oui, ça fait beaucoup de monde, comme il y a du mouvement des allées. Alors, c'est carrément sur un lieu qui n'est pas investi. Hein, c'est sur le terre-plein à droite, oui. En arrivant, voilà. Après, donc, personne n'y va. 40, ça peut vite passer, ouais. 60, 70... Justement, ça serait un projet évolutif, puisqu'on a pas mal de place à l'IME, hein, tout autour de l'IME. Ça serait un projet évolutif. Qui ferait que chacun ait sa place à l'IME au sein des années. Voilà. Donc voilà, après, ce n'est qu'un projet, il est encore au stade un peu bah après, de l'œuf. C'est bien d'avoir des projets, c'est ce qui fait voilà. La vie dans les établissements. C'est bien. Ben, moi je dis que c'est bien, c'est parce que c'est inédit, c'est cocasse, c'est vraiment dire qu'on a été là, on a construit ça, et qu'on peut repasser quelques années après, et se dire que voilà, on a vécu là, et on est adulte maintenant, et on a peut-être des enfants même après, de se dire tiens, ben, moi j'étais là, voilà. Voilà. Enfin, c'est se reconnaître, participer à ce que... À l'IME, hein, c'est une construction de l'IME, et ça devient aussi un endroit très intéressant aussi au niveau communal, où les gens pourraient se déplacer pour venir voir aussi qui était là, etc. Un lieu de recueillement. Non, mais c'est super beau. J'avais imaginé le projet, mais je suis en train de le développer, donc du coup, on va voir. Mais c'est bien, c'est bien. Sinon, bah oui, on a tous des petits projets, voilà. D'aller voir ma petite fille aussi. Voilà. Voilà, plein de petites choses comme Est-ce ça. Est-ce que vous êtes satisfait dans l'ensemble des réponses d'Elena ou est-ce qu'il y a encore une question qui se promène là que vous aimeriez avant qu'on clôture? Non, je ne l'ai pas. Non. Je suis satisfaite. Tu es satisfaite. Je suis contente qu'Elena soit ici. Et toi, Moi, oui, aussi. Oui. Oui. Donc, maintenant, vous connaissez mieux Elena. Oui. Oui. Bah, après, on avait déjà travaillé, j'avais déjà travaillé un petit peu avec les ados. Hein? Mais de cela, de là à savoir un petit peu ta vie personnelle, tout ça, tu vois, c'est ça qui est bien. Hein, outre les fonctions, savoir ce que la personne, elle fait. Bah, elle est comme tout le monde, Elena. Oui. Voilà. Hein, elle mange, elle dort. Dort. Hein. Faut bien qu'elle mange, Elena. Bah oui, oui. Galcule. Alors, Elena, est-ce que tu as un commentaire sur la radio et tout ça Alors, bah, moi, je vous remercie déjà, hein, parce que vous m'avez préparé vraiment une belle liste de questions. C'était très agréable de vous entendre tous. Hein. Vous êtes très à l'aise, moi, ouais, sur la radio, c'est sympa. On a trois individus en face de nous, hein, donc Christopher qui est au centre, un autre Christopher à côté et Marion à côté. Donc non, l'endroit est très agréable, on se sent très à l'aise. Et je suis vraiment contente de participer à votre activité. C'est super. Bon, Christopher, ce matin, on ne l'a pas beaucoup entendu, alors je pense que c'est parce qu'il est en technique. Parce que d'habitude, hein, il est... Ouh, il y a de l'animation, là, avec Christopher. Hein, hein, c'est vrai? Ouais. Non, mais attends, Christopher, je dis pas que c'est inintéressant, au contraire. Je suis bien, là. Tu as souvent des interventions pertinentes. Et c'est ce qui fait la richesse. Hein. Eh bien, écoutez, on va rendre l'antenne en remerciant Elena d'être venue merci. Avec merci. Nous merci. Aujourd'hui. Merci Elena. Merci Elena. On se retrouve la semaine prochaine. Donc normalement c'était Emmanuel qui était prévu et apparemment Emmanuel ne pourra pas se joindre à nous la semaine prochaine. Non. Donc je pense qu'on va se faire une petite émission entre nous pour couper avant les prochains invités. D'accord? Oui, Corinne. Okay. Eh ben, oui. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne après-midi. Sur Hannibal, me mine le moral.